Matignon, bonjour. Oui, allô? Allô, allô? Allô? Cinquante-sept rue de Varennes, de François Perrache. Quatrième saison, plafond de verre. De courir, il faut partir à point. 57 rue de Varennes. 17e épisode. Quelle course, mes amis! Au PMU présidentiel, il fallait miser Nadine Bousquet, Kazakh brune, qui arrive en tête du premier tour avec 23% des voix, suivie par notre héroïne Tiffaine Kervelec, qui, avec 19% des suffrages, se qualifie également pour le second tour. Quelques encolures derrière, l'ex-premier ministre Gerland et l'actuel locataire de Matignon, Mercadal, se disputent respectivement les 3e et 4e places et sont donc éliminés de la course. Tiffaine. Mais quoi? Tu saignes. Eh oui, mes amis. La photo finish a dévoilé un grave incident de course. Alors qu'elle vient de décrocher sa place en finale, quelques minutes à peine après l'annonce des résultats du premier tour, Tiffaine Kervelec est victime d'une hémorragie. En cette nuit où se joue le destin politique du pays, ce sang-là, mes amis, est un sang de mort. Et son odeur excite déjà l'appétit des plus cruels prédateurs. Non, restez allongé. Logique, Tiffaine, on est bientôt arrivé. Merci, docteur, d'être là. C'est normal, mais bougez pas trop, c'est le mieux. Je vais vous placer sous sédatif, d'accord? Vous allez pouvoir faire quelque chose. On va déjà s'occuper de vous parce que vous avez perdu beaucoup de sang, Tiffaine. Je vous emmène dans un super service. C'est un ami à moi qui va s'occuper de vous. C'est le meilleur spécialiste à Paris. Ça va aller, mais il faut te calmer, d'accord? Courage. Je vais vous faire une petite piqûre et vous dormirez avant même qu'on soit arrivé au Val-de-Grâce. Non, pas là-bas. Ils vont me surveiller tout le temps, avec les militaires partout. Pas là-bas, je vais aller dans ma clinique, pas le Val-de-Grâce. Je suis obligée, tu fais. Docteur, je suis présidente de la République par intérim. Je vous interdis de m'emmener au Val-de-Grâce, pas avec les militaires, pas avec les journalistes. Mais c'est parce que vous êtes président par intérim que je dois vous emmener au Val-de-Grâce. J'ai prévenu tout le monde. On a déjà tout... Oh, s'il vous plaît, pas le Val-de-Grâce. S'il vous plaît. Temps. Bonsoir, mon chéri. Comment vas-tu? Bonsoir. Pas trop déçu? C'est de la folie ce soir. Je sais pas ce qui se passe au niveau des planètes, mais ça tourne pas rond. T'as des nouvelles de la petite Kervelec, c'est grave? Ah, t'es déjà au courant? Ah ben évidemment, je suis au courant, c'est mon métier. Mimi, la reine du scoop. On essaie de se maintenir. J'ai envoyé deux photographes au Val-de-Grâce, mais en pleine nuit, ça donnera rien. Faut attendre demain matin. Tu sais pas dans quelle aile du bâtiment ils l'ont installé, c'est quel service, c'est grave? Ben dis donc, ça fait beaucoup de questions, non? J'imagine que tu as quelque chose pour Mimi, non? Ouais, tiens, j'ai un cadeau pour toi. Oh, un cadeau, comme c'est gentil ça, mais... Boucheron, dis donc, mais qu'est-ce que c'est? Oh, un bracelet. Oh, bon, je peux pas accepter. T'as dû dépenser un pognon de dingue. Hein. Ouais, c'est toujours moins cher qu'une petite cuillère à l'Elysée. Et je l'ai payé sur mes deniers personnels. Bon, ça, je m'en fous. Si je peux pas accepter, c'est par superstition. Je t'ai jamais expliqué. Bah si, je sais. Tu n'achètes un bracelet que quand tu bats un record de diffusion pour ton magazine. Exactement. Mais je préfère qu'on dise journal. Ne sois pas méprisant. Et comme tu vois, mon journal a connu quelques succès. Mais donc, je peux pas accepter ton bracelet. En tout cas, je peux pas le porter. Je l'offrirai à quelqu'un. Si, tu vas pouvoir le porter parce que j'ai un deuxième cadeau pour toi. Et avec ça, je te garantis le meilleur tirage de l'année. Il y a quoi là-dedans? Des photos de Nadine Bousquet en treillis à la fête de la bière? Non, c'est Kervelec. Des photos, son dossier médical, des adresses, des noms, tout. Kervelec? Oh, dis donc. Vous êtes mauvais perdant en plus. On crache sur les paparazzi, mais votre milieu il est encore plus pourri que le nôtre, c'est pour peu dire. Hein. C'est quoi tes infos sur Kervelec, mon chéri? Elle est goudou, c'est ça? Elle est avec Perrine Machin, là, l'avocate? Tout Paris est déjà au courant. Tu veux juste qu'on sorte les photos? Non, il y a beaucoup mieux que ça. Tiffany n'a pas voulu aller au Val de Grâce. Elle est entrée en clinique privée. Je t'ai mis l'adresse dans l'enveloppe. Ah, merci, mon chéri. Et on sait ce qu'elle a? Elle a été admise en service gynéco. Il y a 3 mois, elle a fait une PMA illégale en Espagne. Et visiblement, la grossesse se passe mal. Clinique qui a été placée sous haute protection policière. Très peu d'informations ont filtré depuis que la candidate à l'élection présidentielle y a été admise, presque immédiatement après l'annonce des résultats du premier tour. Et c'est toute la campagne présidentielle qui est désormais en suspens. Je peux seulement confirmer que Mme Carbellac a été admise dans le service du professeur Blanchard pour une intervention chirurgicale qui s'est déroulée normalement. Madame Kervelec se repose actuellement et devrait être sur pied très rapidement. Je vous remercie. Arrivé il y a quelques minutes au chevet de la candidate, Philippe Joaton, le président du Conseil constitutionnel, s'est voulu rassurant. Monsieur Joaton, bonjour. Oui, je viens m'enquérir de la santé de Madame Kervelec. C'est une simple visite de courtoisie. Qui assure la présidence de la République? Il n'y a pas une vacance du pouvoir. Non, il n'y a aucune vacance du pouvoir. Vous voyez, je suis là, vous êtes là, le gouvernement de Monsieur Mercadal est au travail, nos institutions sont solides, rassurez-vous. Il n'y a aucun motif de cela. Je vous remercie. C'est la catastrophe. La catastrophe. On ne peut pas rester dans l'expectative comme ça. On en est où? Elle est réveillée, il paraît? Je peux lui parler? Oui, elle s'est réveillée il y a 20 minutes. Elle est sonnée, mais elle va bien. Elle est avec sa compagne et le docteur Vialet. Ils font le point. Ils font le point sans moi? Ils font le point sur sa santé, son opération. Ah. Et bon, ils en ont pour longtemps? On sait pas. On verra. Et on peut pas suspendre une campagne présidentielle. Non, mais c'est très triste, cette fausse couche pour Mme Kervelec, mais il fallait nous prévenir. Enceinte, pendant une campagne présidentielle, comme si ça suffisait pas de... Moi, il me faut quelqu'un pour assurer la présidence de la République. Même si le secrétaire général tient la boutique, là, on est dans un vide juridique total. On peut pas laisser la situation flotter comme ça. Soit elle revient dans la course tout de suite, soit... Dénelle, Steve, je peux vous parler? Monsieur Joaton. Oui, bonjour docteur, merci de m'avoir appelé. Alors, comment va-t-elle ce matin? Mieux, étonnamment mieux. Physiquement en tout cas. Verdict? Verdict? Oui, enfin, comment s'est passée l'opération, docteur? Eh bien, je vous suggère de ne pas aborder la question avec elle. Et de toute façon, vous irez certainement chercher vos informations vous-même. Mais je prends sur moi de vous donner les conclusions du professeur Blanchard, puisque sa santé vous préoccupe. Madame Kervelec a fait une fausse couche hémorragique en 13e semaine d'aménorrhée avec décollement d'œuf dans la cavité utérine. C'est suffisamment précis ou vous voulez l'échographie et le compte-rendu de sortie de bloc? Non, je vous demande simplement si elle peut assurer l'intérim de la présidence de la République et reprendre sa campagne de deuxième tour. Et si oui, quand? J'ai connu un premier ministre qui négociait des accords de paix entre deux crises de colique néphrétique. Et même un président de la République qui animait des conseils des ministres juste après des séances de chimio qui auraient tué un cheval. Alors oui, elle peut reprendre. Mais est-ce qu'elle voudra? Ça, c'est à elle de vous répondre. Bon, alors allons-y, je veux lui parler. Si vous permettez, avant j'aimerais tenter un truc. Est-ce que je pourrais voir Perrine 2 minutes en tête à tête? Perrine? C'est la compagne de Tiffaine. Ah oui? Une conversation entre femmes, en somme. C'est ça. Et je suppose qu'il serait inutile de vous demander la nature de cet échange, mais que vous pensez qu'il pourrait être utile. Vous avez tout compris, monsieur Joaton. 2 minutes? 5 peut-être. Si à 9h30 je n'ai pas de réponse ferme de madame Kervelec, je constaterai la vacance de la présidence de la République. Et je la confierai à monsieur Mercadal, qui est le suivant dans l'ordre protocolaire, en espérant qu'il ne nous claque pas aussi entre les doigts. Café? C'est ma tournée. Non, j'arrête. Thé, chocolat, pâte à tomate. En fait, c'est la même chose, c'est juste la couleur qui change. Oh, merci, rien. Bon, le docteur Vialet m'a dit que Joaton voulait qu'on s'active, alors dis-moi. Un principe de base, Perrine, qu'on apprend dans les cabinets ministériels. Quand on est pressé par le temps, il faut ralentir. Sinon, on prend les mauvaises décisions. Tu veux rien? T'es sûr? 9h20, Genaël. Regarde là-bas la gueule que tire Joaton. Non, non. Il fait pas la gueule, ça c'est sa tête normale. Joaton, c'est droupi en plus triste. Il fait toujours une gueule à arrêter un train. Bon, on s'assoit? Je suis désolée de ce qui arrive à Tiffen, de ce qui vous arrive à toutes les deux. Alors, je ne sais pas comment aborder la question, donc je vais l'aborder frontalement. En gros, on a 10 minutes pour décider si elle continue la campagne ou pas. Je respecterai totalement son choix. Je sais. Mais Steve. Steve, il aura un peu plus de mal à accepter. Ça fait des années qu'il se consacre à la carrière de Tiffen. Alors renoncer si près du but. Mais il digérera aussi. Et toute l'équipe avec. Simplement, on s'en voudrait que Tiffen prenne une décision qu'elle regrettera peut-être toute sa vie. Donc je vais être cash avec toi. Sa fausse couche occulte complètement les révélations sur votre relation. On a fait un omnibus. Les chiffres sont excellents. Un quoi ? Ce qu'on appelle un omnibus, un sondage express. On a juste testé l'image de Tiffen après l'annonce concomitante de votre relation cachée et de la fausse couche. Et Tiffen bénéficie d'un énorme capital sympathie. Même chez les hommes. Même chez les vieux. Un miracle. D'autant que Bousquet n'a pas eu le bon réflexe. Elle a louvoyé, elle a bafouillé. Ça fait récupération politique, absence de solidarité entre femmes. Bousquet se fait dézinguer sur les réseaux. Tiffen sort juste de l'opération, elle est sous choc. On ne peut pas décider ça en 10 minutes, Guénaëlle. Non, on ne peut pas. Mais on doit. Donc on va le faire. Si elle a besoin d'une heure, qu'elle prenne une heure. Joie-t-on, j'en fais mon affaire. Mais il faut qu'on soit fixé ce matin. Perrine, si Tiffen décide d'y aller malgré tout, maintenant elle est sûre de gagner, haut la main. C'est une chance historique. Une femme de 38 ans à l'Élysée. Lesbienne ? Non. Il y a 2 jours, c'était une lesbienne. Ce matin, c'est une jeune mère en deuil. Tiffen n'aura même pas besoin de faire campagne. On la sortira de sa chambre au tout dernier moment pour montrer combien elle est courageuse. Tu vas où ? Je vais lui parler. Je viens vous chercher quand elle a pris sa décision. T'es journaliste ? Alors fais ton travail de journaliste ! On a les sources, on a l'adresse de la clinique, on a le registre signé, on a les photos, on a la date de son voyage à Madrid. Tout coïncide. Alors fais ton boulot. Tu vérifies. Et si c'est fiable, et c'est fiable. On balance. Je suis pas sortie major de l'ESJ pour faire les poubelles. Je veux qu'on fasse l'ouverture du 20h avec ça. Mais ça vient d'où ? Ça vient d'où ? Si je connais pas la source, je couvre pas. T'es en train de te faire complètement instrumentaliser par Bousquet et ses équipes. Ça vient pas de l'équipe de Bousquet, je te le jure. Sylvie... Si c'est pas nous qui le traitons, ce sera quelqu'un d'autre. Et on devra le traiter, nous aussi. Après, trop tard. Cette PMA, c'est illégal. Et Kervelec a menti. C'est ça que je te demande de traiter. C'est niette. Écoute, t'as qu'à filer ton sujet pourri à Antoine, il sera ravi. Mais s'il fait l'ouverture du 20h avec ça, je te jure que je me barre. Sylvie, assieds-toi. Tu me donnes pas d'ordre. Sylvie. Va te faire foutre. Oh, qu'est-ce qui se passe là ? On vous entend, je t'en tu tombes bien, du con. Je parlais de toi. L'éboueur qui nous sert de rédac chef a un sujet à te proposer pour ton JT de merde. Steve, je veux que tu me prépares un communiqué. Philippe, est-ce que j'ai des obligations particulières à remplir vis-à-vis du Conseil Constit ? Il faut que je vous remette un courrier officiel ou comment ça se passe ? Non, non, formellement, vous avez jusqu'à jeudi minuit pour confirmer votre participation au second tour. Bon, d'ordinaire, c'est une formalité, hein. C'est un délai qui nous permet de vérifier la conformité du scrutin de premier tour. Comme quoi, la constitution de 58 est solide, elle a tout prévu. Et vous pouvez pas repousser l'élection ? Théoriquement, si, mais ce qui vous arrive, Tiffen, est d'ordre strictement privé. La constitution prévoit de réorganiser un scrutin en cas d'événement susceptible de changer les rapports de force politique. C'est pas le cas ici. On doit faire appel au candidat de substitution, celui arrivé troisième, en l'espèce Pierre-Yves Gerland. Qui a toutes les chances d'être élu. Incroyable. Dégueulasse. Steve, je veux que tu prépares un mémo complet à l'intention de Pierre-Yves. Je lui lâcherai pas la présidence sans qu'il prenne quelques engagements écrits. Il y a des points non négociables dans mon programme. Je te fais ça tout de suite. Gerland ne devrait pas poser de difficultés. Mon programme n'était pas si éloigné. Il y a quelques points, notamment sur la réforme des institutions, où il est trop frileux. Il doit bouger. Il me doit bien ça. Il est prévenu, au fait, Pierre-Yves. J'ai essayé de le joindre plusieurs fois hier. Hier ? Au cas où, je préparais l'hypothèse de votre retrait. Ah bon ? Mais il ne m'a pas répondu. Il doit réfléchir, j'imagine. Il a quand même annoncé son retrait de la vie politique. Dans votre situation, on rebat légèrement les cartes. Moi aussi, j'ai essayé de joindre son équipe, Laurence, Hakim, Perron Chevalier. Personne ne sait où il est. Attendez, mais c'est une plaisanterie. Personne dans son équipe ne sait où est Pierre-Yves Gerland. On m'avait vendu la rue Montpensier comme un poste tranquille et je me retrouve en 3 semaines à gérer la mort du président, une présidente par intérim hospitalisée et le candidat de substitution qui est introuvable. Il m'a dit qu'il voulait aller se balader dans la neige. Il doit être en randonnée vers chez lui, dans le Jura. Oui, Laurence m'a dit qu'il avait faussé compagnie au SDLP et qu'il était parti tout seul dans la montagne. Faussé compagnie à qui ? Au SDLP, au service de la protection du ministère de l'Intérieur. Avant, on disait SPHP. Ah bon, on dit plus SPHP ? Moi, j'ai toujours dit SPHP. C'est pas si grand, Jura. On va faire le tour des chalets. Et on a jusqu'à jeudi minuit pour le retrouver. Et si on le retrouve pas ? On fait appel au 4e. Plutôt crevé. Au moins, on sait où il est, lui. Il faut surtout pas que Mercadal soit au courant qu'on a paumé Gerland. Il s'engouffrerait dans la brèche. Donc, Steve, tu laisses tomber le communiqué. On dit rien à personne tant qu'on n'a pas retrouvé Pierre-Yves. Officiellement, je maintiens ma candidature. Ou plutôt, je dis rien, je mens par omission. Et il faut lancer les recherches pour Gerland tout de suite. Sauf que si on sollicite Pelletier, il va mettre Mercadal au courant. En montagne, c'est les gendarmes qui vont être sur le coup, donc la défense. Eux, ils seront loyaux avec moi, plus que l'intérieur. Je fais aucune confiance à Pelletier là-dessus, ni là-dessus, ni sur quoi que ce soit d'ailleurs. Dans ce cas, tu appelles directement l'état-major, sans même passer par le ministère de la Défense. Et tu leur demandes de lancer les recherches le plus discrètement possible. Ça va quand même arriver très vite aux oreilles de Mercadal, mais on gagnera peut-être quelques heures. Parce qu'il nous reste moins de 48 heures. Non, on a jusqu'à jeudi soir, c'est ça ? Oui, jeudi minuit. Ça nous laisse presque 72 heures. Je dis pas que c'est beaucoup, mais on va y arriver. Quoi ? Ça va, Tiffen ? Mais regardez pas comme si j'étais folle. C'est bien jeudi minuit la limite de dépôt de candidature. Donc ça nous laisse presque toute la journée d'aujourd'hui, plus tout mercredi et tout jeudi. 3 jours entiers, quasiment. Tiffen, t'es arrivée ici dimanche soir. Oui. On est mercredi matin. Il est quelle heure ? Bon, Tiffen, ça fait beaucoup d'émotions d'un coup. Il faut que tu te reposes. Il est quelle heure ? 10h moins le quart. On est mercredi matin, il est 10h moins le quart. Oui, et tu es à la clinique du professeur Blanchard. Je sais, et ne me parle pas comme à une débile. Il est où, Mercadal, là ? Trouvez-moi des fringues correctes et une bagnole. Et appelez-moi le secrétaire général. Et voilà, je crois, tout ce qui pouvait être dit... enfin, aujourd'hui, hein, sur ce sujet. Et donc, il ne me reste plus qu'à, bien sûr, vous céder la parole, monsieur le Premier ministre. Bien. Merci, monsieur le secrétaire général, pour ce long mot d'introduction et cette mise en perspective historique qui aura certainement passionné tout le monde. Mes chers collègues, comme vous le savez, en l'absence du président de la République disparu tragiquement et de la présidente du Sénat censée assurer l'intérim mais actuellement empêchée, c'est à moi, en tant que chef du gouvernement, qu'il ait choix de présider aujourd'hui ce Conseil des ministres. Bonjour à toutes et à tous, je vous prie de bien vouloir excuser mon léger retard. Non, restez assis. Comme vous le savez, j'ai été retenue par des complications médicales. Monsieur le secrétaire général, j'espère que vous avez eu mon message vous annonçant mon arrivée imminente. Oui. Présidente, oui, oui. Bonjour Pablo, ça va ? T'es tout pâle. Merci beaucoup Pablo d'avoir bien voulu assurer l'intérim de l'intérim pendant ces 15 secondes. Monsieur le secrétaire général, vous voulez bien me transmettre l'ordre du jour, s'il vous plaît, afin que nous puissions débuter la séance ? Volontiers. Baltique ! Viens ! J'ai froid, il faut rentrer. J'en ai marre maintenant, Baltique ! Bon, Baltique, je te préviens, si tu rentres pas, je vais bouffer toutes tes croquettes. Oui ? Monsieur le chef d'état-major est arrivé. Ok, je le reçois immédiatement. Merci d'être venu jusqu'à moi, mon général. Asseyez-vous. Je suppose que vous avez deviné pourquoi je vous ai demandé de venir. Je suis militaire, monsieur le Premier ministre. L'imagination n'est pas mon principal domaine de compétence. Alors je vais être très explicite. J'ai eu vent des opérations de recherche que vous menez dans le Jura depuis hier. J'aimerais savoir où vous en êtes. Comme vous le savez, monsieur le Premier ministre, je reçois mes instructions en ligne directe de la présidence de la République. Mais je ne vois pas de difficulté à vous répondre. Les recherches pour retrouver M. Gerland sont rendues compliquées par un terrain escarpé et des conditions météo difficiles. D'autant que nous rencontrons beaucoup de difficultés à nous coordonner avec nos collègues du ministère de l'Intérieur qui se sont joints aux opérations. Je profite de notre rencontre, Monsieur le Premier ministre, pour solliciter de votre part une intervention auprès des services de Monsieur Pelletier, dont l'aide pourrait grandement faciliter nos opérations de recherche. C'est moi qui ai donné ces instructions à Pelletier. Je vous demande pardon. C'est moi qui ai demandé au ministère de l'Intérieur de freiner les recherches. Et c'est ce que je vous demande aussi. Je crains de ne pas comprendre, Monsieur le Premier ministre. Vous comprenez très bien la situation, Général. Tiphaine Kervelec va renoncer à sa candidature. On est mercredi soir. Si Pierre-Yves Gerland ne donne pas signe de vie dans les 24 heures, je serai automatiquement qualifié pour le second tour de la présidentielle, avec la quasi-certitude de l'emporter dans 10 jours. Gerland est un homme du passé. Il a annoncé lui-même son retrait de la vie politique et il a décidé d'aller se promener en forêt. Alors, dans 24 heures, vous pourrez virtuellement donner vos consignes à mon successeur. Pour l'heure, j'en réponds à Mme Kervelec, chef de l'État par intérim. Je regrette, Monsieur le Premier ministre. Pour moi, c'est non. Autre chose, Monsieur le Premier ministre ? Colonel Michaka ! Couvrez, s'il vous plaît ! Qu'est-ce que vous faites là, mon colonel ? Je viens vous chercher, monsieur. Je veux vous ramener à Paris avant minuit. On a juste le temps. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas d'informations, monsieur, mais vous êtes attendu au Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qu'ils me veulent encore ? On n'a plus le temps, monsieur. On va vous troyer. Quoi ? Ah, non. Allez, on doit y aller, maintenant. Hein ? Même en hélico pour être à Paris avant minuit, ça va être limite. Oh. Allez, enfilez ça. En commençant par les jambes. Voilà. Ouais. Bon, ça va se couler un peu. Et mon chien ? J'en fais quoi ? Je ne veux pas le laisser tout seul dans les bois. Il était très agressif, j'ai dû le neutraliser. Désolé, monsieur. Quoi ? Colonel Michaka pour mécanicien de vol. Paré pour chargement. Non, attendez. On change. Non. Secrétariat particulier, bonsoir. Général Grimal à l'appareil. Bonsoir, mon général. Je vous passe le Premier ministre. Inutile. Prenez de quoi noter. Oui, mon général. Je vous écoute. Indiquez à Monsieur le Premier ministre, premièrement, que Monsieur Gerland a été retrouvé ce jour, jeudi 3 février, à 19h45, vivant et en parfaite santé. Bien. Deuxièmement, que j'ai fait mobiliser tous les moyens de l'armée de l'air pour rapatrier Monsieur Gerland sur Paris ce soir même, où il devrait arriver vers 23h15. Que, troisièmement, suite à cette décision, je me suis présenté devant Madame Kervelec, présidente de la République par intérim. J'ai indiqué à Madame Kervelec qu'ayant volontairement désobéi à un ordre explicite du chef du gouvernement, je lui remettais ma démission. Oui. Quatrièmement, qu'elle l'a refusé. Tout est clair ? Très clair, mon général. Bonne soirée. À suivre. Rue de Varenne. De François Perrache. 17e épisode. Chris Nyanguna, Maud Le Grévelec, Hervé Pierre, Florent Schepp, Andrea Brusque, Théodore Atkin, Louis-Do de Langsin, Christiane Coendi, Philippe Magnan, Grégoire Osterman, Judith Henry, Johanna Mizard, Olivier Creveillé, Fabrice Deville, Marc Barbet, Anne Cantino, Laurent Manzoni, Archibald Forçant Philippon et Delphine Léonard. Bruitage, Élodie Fiat et Sophie Bissance. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Chaleureux remerciements à la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, pour leur accueil amical. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmonts et Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Cédric Ossier. It's bad, you know.